Chapitre 15. Monsieur de Montélin, est-il nécessaire de le dire, se voyant débarrassé de la rivalité du comte de Lerne, avait repris tout doucement auprès de madame de Morescan son ancien rôle de soupirant et de consolateur. Vers ce temps-là, il crut se sentir sérieusement encouragé, et il commençait à nourrir des espérances qui ne laissaient pas de paraître assez légitimes, quand un événement inattendu vint de nouveau jeter le trouble dans ses opérations. Outre les hôtes familiers du château et les voisins, M. de Morescan invitait de temps à autre, aux chasses de la Vénerie, quelques officiers de la garnison de Compiègne qu'il avait connus à Paris ou rencontrés dans les chasses à cour de la forêt. Parmi ces officiers, qui étaient pour la plupart des hommes du monde d'une parfaite tenue, il y en avait un qui faisait exception, et qu'on était un peu surpris de voir accueilli à la Vénerie. C'était un jeune capitaine de chasseurs, nommé De Sontis, bien né, mais mal élevé, d'un libertinage insolent et de mœurs grossières. Sa personne physique ne compensait nullement ce qui lui manquait du côté de la distinction sociale et morale. Il était petit, laid, blême, fort maigre, avec de rares cheveux d'un blond pâle et des yeux gris, d'une expression dure et cyniquement railleuse. Mais c'était un sportsman accompli. En matière d'équitation, de course, de chasse, et généralement dans toutes les choses du sport, c'était non seulement un connaisseur des plus compétents, mais un exécutant d'une habileté supérieure. C'était par ses qualités spéciales qu'il avait captivé M. de Morescan, qui s'était mis en tête depuis quelque temps de faire de l'élevage et de se monter une écurie de course. Il ne cessait de conférer sur ces importants sujets avec le capitaine De Sontis et se louait fort de ses précieux conseils. En revanche, madame de Morescan avait conçu à première vue pour ce jeune homme de mauvaise mine et de mauvais ton une antipathie qu'elle ne se donnait pas la peine de lui dissimuler. Ce fut donc avec ennui qu'elle le vit, dans les premiers jours de novembre, s'établir à la Vénerie pour 3 semaines, sur l'invitation de M. de Morescan, car jusqu'alors il n'avait fait qu'y déjeuner ou y dîner de temps à autre à l'occasion d'une chasse.